LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. 3, 2, 1, see ya! L'extrême, c'est quand c'est plus que ce qu'on a appris à faire. Donc, ce sont des sports, mais qui sont justement poussés à l'extrême pour avoir des émotions fortes. Il a réussi. Je sais pas, le dernier contact radio qu'on a eu remonte à hier matin. Il allait attaquer le sommet, il avait l'air d'aller bien. Et depuis, plus rien. C'est pas normal. Dans les sports extrêmes, on peut basculer dans la tragédie. Il faut avoir cette lucidité aussi, hein, que ça peut arriver. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut arriver, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Pas qu'aux autres. Face à la mort. Jérôme Sandelars, Yvon Croisier. Extrait des Conquérants de l'inutile de Lionel Terray. Nous rejoignons rapidement le sommet du névé et les rochers qui nous dominent nous protègent efficacement. La progression s'effectue maintenant en longeant la muraille vers la gauche. Le calcaire est épouvantablement délité et il faut prendre des précautions d'indien sur le sentier de la guerre. Sans doute, le passage est-il encore plus à gauche. Nous continuons donc à traverser et atteignons presque l'éperon rocheux nous séparant du troisième névé. Soudain, de ses yeux perçants, Louis aperçoit un piton. Malgré la glace, il faut passer par là. En crampons dans ce terrain difficile, Lachenal fait merveille. Mais il doit déployer toute son habileté, et ce n'est qu'après avoir utilisé deux autres broches qu'il réussit à atteindre un point de relais. Tordu dans une dalle verticale, deux pitons rouillés viennent nous rappeler l'agonie de Meringer et Sedelmeyer. Un instant, je revois les photos de leurs beaux visages. Celui de Meringer, tout illuminé d'une joie d'enfant. Celui de Sedelmeyer, plus sombre, un sourire un peu triste au coin des lèvres. À demi épuisés par une lutte héroïque, ils se sont assis là. Pendant des heures et des heures, dans l'espoir d'un retour du beau temps, ils ont lutté contre l'engourdissement mortel. Puis, lentement, la neige a recouvert leur corps et ils se sont éteints comme un feu sous la pluie. Les ans et les tempêtes ont passé. Les cordes sont devenues de paille et un jour le rocher s'est retrouvé aussi nu qu'aux premiers âges du monde. Seuls ces pitons sont restés pour témoigner du sacrifice de ces conquérants de l'inutile. Donc là, on vient d'arriver donc à la DZ des Bois. C'est un peu un endroit, ça fait partie de la vie des gens ici, hein, les rotations hélico. Donc c'est au pied des montagnes. Hein. Quand on est là sur la DZ, on voit les Drus et derrière, dans le brouillard, l'Aiguille Verte. Et par là, on voit l'Aiguille du Midi. Et dans le brouillard, là-bas, tout en haut, le Mont Blanc. Voilà. Sonia Popoff, alors vous êtes médecin urgentiste, rattaché à la DZ, c'est ça, enfin, au PGHM de Chamonix, c'est-à-dire qu'il y a le peloton de gendarmerie de haute montagne pour c'est venir ça, en aide aux alpinistes qui sont en difficulté. En fait, je ne suis pas seule à être rattachée. On est un groupe de médecins hospitaliers, donc on travaille aux hôpitaux du Mont-Blanc. Et ici, la spécificité, c'est qu'on peut éventuellement participer au secours en montagne. Et en fait, une équipe de secours, c'est un médecin urgentiste, deux gendarmes secouristes, la plupart sont guides de haute montagne, quasiment tous maintenant, un mécanicien treuilliste et un pilote qualifié montagne. On marche un peu ? Ouais. En Europe, vous avez une probabilité sur 100 000 d'être assassiné par an. D'accord ? Bien, l'escalade en milieu contrôlé, c'est-à-dire avec des spites, donc des choses qui sont vissées, etc., qui vous permettent d'évoluer sans grand danger, c'est seulement deux fois plus dangereux que d'être assassiné. Donc c'est pas énorme, c'est 2 sur 100 000. La conduite automobile, c'est 6 fois. Donc l'escalade, en fait, en milieu aseptisé, est 3 fois moins dangereuse que la conduite automobile, alors que ça fait quand même beaucoup plus peur. Et sur l'année 2020, la probabilité de mourir du Covid, c'est à peu près aussi dangereux que l'aile delta et presque aussi dangereux que le base jump. Donc autant aller se faire un petit vol libre. J'allais vous le dire, c'est un encouragement à aller faire du base jump. C'est quand même nettement plus drôle. Gérard Garrier, alors vous êtes l'auteur de 2 ouvrages, l'un sur la peur, éloge de la peur, et l'autre sur le courage, du courage. Et vous avez pratiqué l'aile delta pendant 10 années. Est-ce qu'on pourrait revenir comme ça sur certains accidents ou incidents qui vous sont arrivés au cours de votre carrière de deltiste? Je dois avoir à peu près 6 alertes très très très sensibles où j'ai failli mourir, clairement. Donc j'étais en vol avec un camarade, on faisait un grand vol qui était magnifique, on était parti Saint-André-des-Alpes dans les Alpes de Haute-Provence. Et puis on prend ce qu'on appelait à l'époque l'autoroute des planeurs, la blanche. Le vol est magnifique, on est à 3000, on est au milieu des planeurs, dessous la montagne enneigée, enfin c'est un rêve quoi, c'est extraordinaire. On monte jusqu'au lac de Serre-Ponçon, on fait demi-tour, et mon camarade prend un peu d'avance sur moi, et à la radio il me dit « Gérard, il y a des trucs bizarres qui se passent, fais gaffe ». Bon, moi, j'étais un vieux deltiste, peut-être 1000, 1500 vols à mon actif, donc bon, je dis, oui, il est gentil, le ciel était bleu, il n'y avait pas d'alerte, etc. Et il dit, gentil camarade. Et j'arrive au bout de la chaîne de la Blanche, derrière le cheval blanc, et là, tout d'un coup, mon aile se met à chuter, comme si j'étais aspiré par le sol, et j'ai chuté de 1000 mètres en l'espace, je sais pas, on va dire de 2 minutes. Et j'ai failli me cracher sur un col. J'ai continué à descendre dans ce talweg, à 15 mètres sol à peu près des sapins. Et là, honnêtement, je me disais, mais si je heurte un sapin, je suis mort. Parce que j'allais extrêmement vite, je descendais comme une pierre. Et à un moment, j'ai ressenti que l'aile reprenait un peu de portance, un peu de contrôle. Et je me suis dit, bon, c'est bon. Maintenant, si je crache, je vais me pourrir, je vais me casser, etc. Mais je vais pas mourir. J'ai craché, j'ai cassé l'aile, mais j'étais vivant. Et c'est de ce jour-là que j'ai arrêté de faire des grands vols. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas compris. Et aujourd'hui encore, je ne sais pas pourquoi cela m'est arrivé. Et donc, je n'étais plus dans le contrôle et il fallait abandonner. Donc, faire gaffe, hein, ça glisse. Hein. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de neige, il a neigé, c'est joli. Les gens ne peuvent pas voir, mais là, il doit faire à peu près moins 5. Donc la neige, elle craque un peu, mais pas trop. Les sommets sont enneigés, les sapins sont le maître chien, avec le chien qui, j'espère, va pas aboyer. Mais voilà, il y a un chien de permanence avec nous aussi, tous les jours, avec un maître chien. Voilà, un chien d'avalanche. Voilà, là on arrive sur la DZ. DZ, ça veut dire drop zone, en fait. Et donc là, c'est les deux grands hangars où on met les deux machines. Donc c'est des EC-145. Donc il y en a un de la gendarmerie et un de la sécurité civile. Moi, j'ai travaillé sur l'Alouette. On ne pouvait pas monter aussi nombreux à bord. Là, celui-là s'y prête mieux. On peut quand même faire des gestes. On peut intervenir sur nos blessés, éventuellement en vol s'il y a besoin. ce qui n'est pas le but. Hein. On essaie de faire un maximum de choses avant de charger nos victimes. L'hiver, vous pouvez travailler, il fait moins 20 degrés. Donc moins 20 degrés, tout gèle, les perfusions gèlent, les ampoules gèlent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer trop de temps sur le terrain à médicaliser les victimes. Parce que si on les médicalise trop longtemps, ils vont rapidement devenir hypothermes. Et l'hypothermie, c'est quelque chose de très délétère pour la victime. Moi, mes enfants, quand ils étaient tout petits, ils apprenaient à marcher. Je les emmenais sur les sites de vol libre. Je précise que vous aviez deux garçons, hein, Friedman, ouais. L'aîné, et Niklas, le plus jeune, qui est donc secouriste au PGHM de Chamonix, ouais, c'est où ça, on ouais. est actuellement, ouais, ouais. qui est le peloton de gendarmerie de haute montagne. Ouais, Niklas qui est le cadet, et il y avait Friedman. Forcément, un jour, il est venu me voir et il m'a dit « Papa, j'aimerais bien faire du parapente ». C'est forcément un peu dangereux, même si c'est pas très dangereux si c'est pratiqué correctement. Mais en aucun cas, je me serais vu lui interdire ça. Et d'ailleurs, lui aurais-je interdit qu'il l'aurait fait quand même, évidemment. Et donc j'ai suivi sa progression en parapente de manière apaisée, mais bon, un petit peu anxieuse quand même, en me disant bon, j'espère qu'il fait, il fait tout bien. Et puis un jour, j'étais en montagne, j'étais dans un refuge, et j'ai reçu le plus terrible appel de ma vie, les CRS de Grenoble qui m'ont appelé pour me dire que mon fils était... Ouais. Bah, il a fait une fermeture sur la falaise où j'avais fait mon premier grand vol. Ça a duré 10 secondes, il a pas sorti le parachute de secours et il s'est pris la falaise et voilà quoi. Après, bien sûr, il y a toujours des. Vous savez, dans ce cas-là, il y a toujours des regrets. On se dit, est-ce que j'aurais pu, est-ce que j'aurais dû, mais en fait, c'est la vie qui est comme ça. Toute vie se termine par une tragédie, donc on connaît juste pas les clés de la tragédie. Mais voilà quoi. Il est mort, il avait 29 ans. C'est un peu jeune. En fait, ce qui s'est passé après le décès de mon fils, qui a été compliqué parce qu'il est mort après un mois de coma, sans avoir repris connaissance... c'est que pendant un an, j'étais incapable de faire de la montagne. C'est-à-dire que dès que je m'approchais du vide, j'éclatais en larmes. Mon épouse, pareil. Et en fait, c'est pour comprendre ce qui m'arrivait que j'ai décidé de travailler sur la peur. Comprendre, ça a été la meilleure des thérapies. Et aujourd'hui, je retourne en montagne. Même si je fais de la montagne de façon raisonnable, comme un vieil homme. que je deviens peu à peu. David Le Breton, alors vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages autour du risque, délibéré. Ces sportifs, ces aventuriers de l'extrême, sont parfois perçus comme des trompe-la-mort, comme des suicidaires. Quel regard vous portez sur eux, vous ? Non, à mes yeux, ce sont des professionnels qui savent ce qu'ils font, ils savent jusqu'où ils peuvent aller trop loin, ils ont une connaissance du milieu, ils ont une connaissance des outils également qu'ils utilisent, ils connaissent leurs limites physiques, leurs limites sensorielles, ils connaissent leurs intuitions, etc. Non, pour moi, ce sont des hommes ou des femmes qui maîtrisent relativement. Je dis relativement parce qu'il y a évidemment les aléas de l'environnement qui peuvent, par contre, se dérober complètement à leurs intuitions, à leurs ressources, à leurs compétences. On entend aussi chez certains de ces adeptes de l'extrême une forme de banalisation du risque. Oui, c'est un grand standard, l'idée que traverser la rue, c'est beaucoup plus dangereux que de faire un 8000 ou de faire tel ou tel exploit. Ou de sauter en base jump, quoi. Mais je crois que ça traduit aussi la conviction qu'ils maîtrisent absolument tous les éléments, qu'aucun aléa ne va intervenir. Alors que quand vous traversez une route, vous ne savez pas forcément, justement, si l'automobiliste va s'arrêter même à la limite au feu rouge. Alors que lui qui se lance sur à quelques centaines de mètres du sol avec avec son parachute, il pense qu'il est seul. C'est à lui, finalement, qu'incombe sa survie. Est-ce que vous y voyez, David Le Breton, une forme de toute-puissance ? Oui, ce sont des hommes ou des femmes qui sont dans la toute-puissance, qui sont dans un hyper-individualisme, dans un narcissisme également très fort. Mais c'est pas du tout une critique, évidemment. C'est que si on ne croit pas en soi, et si donc on n'est pas narcissique, évidemment, on va échouer, parce que il faut croire à sa chance. C'est pour ça que j'aime bien évoquer la notion de volonté de chance. Il faut construire sa chance. La chance ne tombe pas dessus. Il faut être à la hauteur des circonstances, donc il faut avoir une bonne condition physique, il faut avoir une bonne connaissance du milieu, il faut connaître les outils également qu'on utilise. Et à ce moment-là, effectivement, il peut y avoir un sentiment de toute puissance qui fait qu'un certain nombre, quand même, des grands alpinistes et des grands navigateurs ou des grands aventuriers sont morts ces dernières années. Pour moi, l'exemple le plus frappant, c'est Éric Tabarly, sans doute. Et Éric Tabarly avait eu cette phrase terrible. Il disait « Un homme qui tombe à la mer n'a pas sa place sur un bateau ». Pourtant, il a fini dans la mer d'Irlande, voilà. Me semble-t-il. Voilà, et c'est ça que je voulais dire, c'est que même un immense navigateur comme Éric Tabarly, à un moment ou un autre, il est lui aussi balayé par la mer, parce qu'il ne s'était pas attaché sur son bateau, et puis que la vitesse de ces bateaux fait que quand vous tombez à la mer, en l'espace de quelques secondes, le bateau est déjà à 500 mètres, et donc on n'a jamais retrouvé Éric Tabarly. Et vous savez qu'en montagne, là où les alpinistes meurent le plus souvent, c'est moins dans les grandes ascensions himalayennes que parfois dans des ascensions mineures. Mais précisément parce que c'est de la routine, ils relâchent leur hyper-vigilance, justement. Pierre Mazeaud, alors on se retrouve chez vous dans votre appartement parisien, petit appartement qui est juché au quatrième et dernier étage. Vous avez une vue comme ça panoramique sur les toits de Paris, qui évoque peut-être... votre amour pour la montagne. Oui. Quelle relation vous entreteniez, vous, avec le risque, avec le danger, Pierre Mazeaud ? Mais moi, je sais que il y a des dangers en montagne. Il y a du risque. Ben, on prend le risque. Alors, on risque sa vie par des éléments externes. Le mauvais temps, les séracs, les avalanches. On risque sa vie aussi par des éléments qui vous sont propres, qui sont internes. Parce qu'on n'est pas suffisamment compétent pour passer tel ou tel passage très difficile. Donc ça, c'est à soi-même de voir, de sentir, de se dire, non, on n'arrive pas à passer, ben on va pas se lancer dans cette fissure trop difficile, parce qu'on n'en sortira pas et on risque d'avoir un pépin. Voilà. Bon. Ben moi, j'ai eu la chance de m'en tirer. C'est une chance, d'ailleurs, profondément injuste par rapport à tous mes copains qui sont morts, parce qu'il y en a beaucoup qui sont morts en montagne. J'ai pu dire que vous aviez perdu au moins une quarantaine d'amis, oui, montagnards. C'est plus ça. De 40, je crois. Ouais. Et malgré tout, vous avez toujours persévéré. Mais oui. Bah, bien sûr, ils auraient fait comme moi. Bon, enfin, voyons, quand on aime quelque chose, il n'y a rien qui vous arrête. Non, quand on aime la montagne, enfin merde, on est heureux en montagne, on s'emmerde pas, on est content. Et là, Gavaggio, vous, au cours de votre carrière de freerider, vous avez frôlé la mort à plusieurs reprises. Alors moi, j'ai frôlé la mort, j'ai surtout bien caressé la bêtise. Donc je suis tombé dans une crevasse, j'ai 15 mètres. Et j'ai été arrêté entre deux tétons, tête en bas, et j'avais encore 25 mètres de vide, parce que j'ai pas écouté mon guide. Je me suis fait embarquer dans une avalanche de pierres en base jump, en posant. Donc je saute une paroi qui s'appelle Cor, qui est près de Gap, et je pose dans le pierrier, il y a toutes les pierres qui descendent et qui avalent ma voile, et je suis obligé de prendre mes coupes suspentes pour m'extraire de ma voile, sinon je me faisais happer, en fait, par les pierres. Moi j'en ai plein d'autres, et puis oui, puis il y a une fois où j'ai fait une barre qui devait faire 20-25 mètres et j'ai pas du tout géré mon saut et je me suis carrément enfoncé dans la neige et je suis resté 8 minutes 30 dessous. Donc là j'étais clairement en train de crever, mais la panique n'a pas pris le dessus puisque je savais que mes amis savaient où j'étais. Du coup ils sont venus me chercher. Mais reste que c'est long et c'est pas drôle. Pas drôle du tout. Vous êtes vu mourir à ce moment-là ? Je sais pas si je me suis vu mourir, je me suis juste dit, bon là mon petit gars, t'en as encore fait une belle, Ne panique pas, parce qu'à ce moment-là, j'ai quand même des notions un peu de survie. Donc tu sais que quand tu es enterré sous la neige, si tu commences à souffler, à t'exciter, ben, tu vas cramer ton oxygène. Du coup, j'ai réussi tout de suite avec ma main avant que la neige... Tu sais, quand tu tombes dans la neige ou tu es dans une avalanche, la neige, elle se compacte et ça devient du béton. Et donc là, juste après l'impact, quand j'ai compris que j'étais bloqué, je savais pas si j'avais la tête en haut ou peu importe, tu sais. Donc j'ai réussi à faire une sorte de petite caverne autour de ma bouche pour respirer. Et là, je me suis dit, bon, bah là, on se détend, on attend. Les mecs, ils savent où tu es, mais tu sais pas. Bref, tu sais que ça va être long, donc tu attends. Mais ce qui est rigolo, c'est que sur ma GoPro, j'ai 8 minutes 30 enregistrées où on m'entend avaler la neige, galérer. Là, c'est pas drôle, en fait, quand tu regardes les images, que t'entends. Mais en réalité, moi, ça m'a paru 2 minutes. Puis après, j'ai vu la tête de mon copain qui gueulait. Moi, je l'entendais dans la neige. Il est là, j'arrive, putain, bouge pas, putain, allez, putain. Puis là, il m'a creusé, puis là, c'était parti. David Le Breton, alors il y a un terme que vous utilisez régulièrement concernant ces sportifs et aventuriers de l'extrême qui frôlent la mort, c'est celui d'ordalie. De quoi s'agit-il exactement ? Alors l'ordalie, autrefois, c'était le jugement de Dieu. C'est un rite judiciaire. Quand nos sociétés médiévales, essentiellement, au tout début de la Renaissance, étaient dans le soupçon à l'encontre d'un individu dont on soupçonnait fort qu'il avait peut-être commis un crime ou un outrage quelconque, mais il n'y a pas de preuve. Donc on s'en remet à Dieu. Et si l'individu sortait indemne de l'épreuve, par exemple l'huile bouillante, le feu, etc., ou à Strasbourg, par exemple, on précipitait les femmes présumées sorcières dans l'eau, voilà, si elles nageaient, c'est qu'elles étaient innocentes, sinon si elles mouraient, c'est qu'elles étaient coupables. Donc évidemment, il faut imaginer une société fortement construite autour d'une croyance religieuse, là, que l'idée que Dieu ne laissera jamais périr un innocent. Donc j'appelle ordalie le fait de se mettre dans la gueule du loup, mais avec la possibilité malgré tout de s'en sortir. Et de miser sur sa chance. Il y a quelque part une volonté de chance. L'ordalie fonctionne quand le lien social n'a pas été capable de dire à ces adolescents ou à ces hommes ou à ces femmes que leur vie valait la peine. Et on demande à la mort une légitimité sur son existence, et si on s'en sort, on éprouve ce sentiment de légitimité. Donc chez les ados, ça va être la vitesse sur les routes, la toxicomanie, tentative de suicide, etc., etc. Chez les adeptes de l'extrême, ça va être le fait d'aller affronter des sommets, de traverser des mers, etc., dans des conditions qui sont parfois quand même assez redoutables. Et de jouer donc à chaque fois symboliquement avec la mort. C'est-à-dire le nouvel aventurier a toujours le sentiment qu'il a l'étoffe des héros. Alors, on est des amoureux de la montagne. On aime la poudreuse, on aime les pentes vierges, on aime prendre des risques, clairement. Je rentre pas du tout dans le truc, on a besoin d'adrénaline, ou on est des... Pas du tout, c'est on s'éclate et puis on est entre potes. Et on part filmer, et en fait, là, ce jour-là, il y a un peu tous les voyants qui sont rouges. On est la première journée de printemps, ils annoncent, la météo annonce qu'il va faire très chaud. Du coup, nous, on part quand même très très tôt le matin. Et là, en fait, il y a plein de petits éléments qui, à un moment donné, font que tu dois faire un petit peu marche arrière, mais que tu sais pas pourquoi tu es un petit peu entraîné, tu sais. Ou on sait qu'on fait une bêtise, mais on continue. Sauf que là, on a réussi à être des crétins sur 4 heures de temps. Donc, on a eu des alertes, on savait que ça se réchauffait. On a entendu plein de plaques partir au naturel autour de nous. On a vu la neige sous nos pieds changer, donc d'une neige super volatile où tu souffles dessus, ça part en flocons, ben une neige un peu plus compacte qui commence à rouler d'elle-même et qui fait des boules de neige. En fait, quand tu es en montagne, tu dois être capable, dans un groupe, d'établir un chef de meute, un loup. Moi, je l'appelle l'alpha. Et en ce moment-là, il y a un petit peu deux alphas, et il y en a un, et c'est moi, qui est plutôt dans un jour un peu down, et Mathieu, qui lui est dans une journée de feu. Il a le power, il plaque tout, il skie vite, il rentre tout. Et là, à un moment donné, il y a une discussion, et moi, j'estime qu'il ne faut pas y aller, lui, il estime qu'il faut y aller, et le loup alpha que j'aurais dû être, parce que quelque part, j'étais le plus compétent en montagne, ne prend pas sa place, laisse partir Mathieu, et voilà. Et puis on arrive au drame, et puis bon, il est vivant, hein, tout va bien, hein. Mais il aurait pu mourir, et là j'aurais été responsable à 200%. Et en fait, c'est là l'erreur, c'est que moi j'aurais dû en venir au point, en haut. On n'y va pas, mais après c'est la magie de la montagne aussi, bien il se serait rien passé, puisque personne n'a de certitude, sinon il n'y aurait jamais d'accident. J'ai eu de la chance, contrairement à trop de mes amis. En montagne, être équipé d'un Arva, d'une pelle, d'une sonde, d'un sac airbag semble être le minimum. Avoir des amis entraînés pour essayer de vous retrouver et de vous sortir de là en moins de 15 minutes, c'est indispensable. Mais malgré tout ça, les statistiques sont là, et dans 25% des cas, vous serez déjà mort. Compressé par la pression de l'avalanche. Une sensation horrible, presque indescriptible. J'ai eu de la chance, beaucoup de chance. Je ne souhaite à personne ce que j'ai pu vivre ce jour-là. Donc on arrive, on annonce déjà... On annonce que c'est le dernier run de la journée parce qu'on sent quand même que là on est border et que ça commence à être très risqué, il fait trop chaud et tout ça. C'est à moi de partir en 1 sur cette face et moi je la sens pas, je dis moi je ne skie pas cette pente en fait, je pense qu'il faut qu'on plie bagage. Donc je lui dis bon bah Matt là tu pars, tu vas tout droit sur les 50 premiers mètres, tu fais le pied gauche là, tac, et ensuite tu vas tout de suite t'échapper sur la droite parce que s'il y a plaque c'est sur la partie haute et ensuite t'es safe. Et là... L'euphorie l'emporte et il part tout de suite sur la droite et en gros il va couper ce gros amas de neige qui est en fait une énorme plaque, donc une plaque avant, et il la coupe et là il y a toute la pente qui part. Et là Mathieu part à droite, ne regarde pas ce qui se passe et revient à la verticale en dessous de l'avalanche. Alors ce que tu sais pas, c'est que j'avais tellement senti le truc, c'est que j'étais en haut, j'avais déjà ouvert ma veste, j'avais déjà serré mes crochets, et j'avais déjà mon DVA en position recherche. C'est quoi le DVA ? Le DVA, c'est un petit appareil qu'on a autour du cou, au niveau à peu près du thorax, et qui nous permet de trouver les personnes qui sont sous l'avalanche. Donc Mathieu en a un aussi. Et là, j'ai, à 80 mètres, je peux le trouver en moins d'une minute. S'il est dessous, c'est assez facile. Donc je skie derrière l'avalanche et je le course. Puisqu'en fait, je suis parti au cul de l'avalanche. Donc je passe l'avalanche, j'arrive full speed en bas, je sais pas ce qui se passe, je me mets un tête-pied, je sais même pas pourquoi, tellement j'étais en stress. Et la tête-pied, je me dis putain non, et en plus malheureusement ou heureusement, c'était comme dans les films, je me retrouve face à la montagne, et juste le temps d'essayer de me relever pour repartir dans le bon sens, je vois le nuage qui m'arrive dessus, après d'un coup, première couche de neige qui m'ensevelit. Là je me dis putain ça va, c'est pas trop épais, et puis d'un seul coup t'as l'autre couche qui arrive, et là je me suis dit tu sais d'un seul coup tu repenses à tout ce qu'on te dit quoi. Voilà, c'est pas pour aujourd'hui. Voilà, donc tout s'est bien passé puisque arrivé en bas, il est là, je suis sur lui en moins de 20 secondes et... Mais après une avalanche c'est pas seulement être enseveli, c'est quand t'es dedans tu peux te faire broyer. Tu peux te faire un coup du lapin. Donc, tu vois, c'est une avalanche, on ne meurt pas seulement quand on est enseveli sous la neige par manque d'oxygène. Il y a plein de choses. On a retrouvé malheureusement des gens qui avaient fait le scorpion, tu vois, avec les deux pieds au niveau des épaules. L'avalanche, c'est une masse de neige. Et comme je te dis, la neige, elle durcit quand elle se compacte et quand elle descend. C'est aussi ça, l'avalanche. Alors lui, fort heureusement, ça ne va pas se terminer trop gravement puisqu'il finit avec une entorse de la cheville, c'est ça. Et puis vous remontez dans l'hélico. Ouais, ça je me souviens même plus de ce qu'il fait. Ce que je sais, c'est que moi ce jour-là, j'ai décidé que c'était ma dernière journée de film de ce style-là. Je ne voulais plus me retrouver en montagne à filmer de la performance, puisque c'est ce qu'on appelle. Quand on part en freeride, en hélico, sur des faces incroyables, on appelle ça filmer de la performance. J'avais passé mon seuil. Pour crampons, il y a trois gars qui ont dévissé à la petite verte. Ils sont tombés dans la rimée. Deux ont déjà été dégagés. Vous devriez les croiser en montant. Et l'autre est toujours en haut en train de se faire masser et ventiler. Terminé. Où est-ce qu'on se trouve exactement, là, Sonia et Jérémy ? Alors là, on est dans le local matériel personnel des secouristes. Donc on entrepose tout notre matériel ici. Notre sac se court avec tout un tas de choses dedans, comme des cordes, des mousquetons, la radio, le casque, les skis, parce qu'on n'intervient pas qu'en hélicoptère, donc du coup des fois on part à pied, notamment l'hiver on utilise les skis et les peaux de phoque pour pouvoir monter. Voilà. Comment elle est née pour vous deux, la passion du secours en montagne ? Alors moi, pas de transmission parentale, personne faisait de la montagne chez moi, ça leur fait même plutôt peur, je crois. Et moi, depuis que je suis adolescente, j'ai toujours été attirée par les reliefs. S'il y a une montagne, je sais pas pourquoi j'ai envie de monter dessus. Et moi, j'étais très impressionnée par la vue du sang. Et je m'étais dit, bon, il faut que je me familiarise. Donc, j'ai choisi, en fait, un stage, c'était en Ariège, de Smur. Et où là, j'ai fait mes premiers secours. Et j'ai débarqué très rapidement, une fois que j'ai été thésée, à Chamonix. Donc, il faut déjà être un urgentiste aguerri à la médecine d'urgence pour savoir se débrouiller un peu tout seul et pas être impressionné par l'environnement dans lequel on est. Vas-y, petit, vas-y. Ok, on se met sous respirateur, sous machine. Ouais. Faut pas avoir peur d'être dans le vide, d'être suspendu éventuellement à un relais, même si c'est pas les interventions les plus fréquentes. Voilà, il y a toutes ces choses-là auxquelles il faut se familiariser. Plus l'hélico, hein, parce que c'est quand même le treuillage, les premiers treuillages, surtout avec la nouvelle machine là, qu'on a, le C145, ça peut être éprouvant, on peut se faire centrifuger, on se met à tourner au bout du câble, mais ça demande de l'entraînement, et puis après on y arrive très bien. Là il y a Poutsi qui est au relais, il y a le gars qui est pendu au bout de sa corde, là je vois du sang partout. C'est bon, on va attaquer les treuillages. Rapport, je laisse passer. Célia, papa, vous évoquez l'hélico, justement, vous, il vous est arrivé une mésaventure en tant que médecin secouriste. C'était en 2006, c'était en été, et c'était pas avec cette machine, c'était avec l'Alouette 3, avec un treuil qui n'était pas débrayable. C'est-à-dire qu'une fois que vous étiez au bout, on ne pouvait pas vous remonter plus vite s'il y a besoin. Et ce jour-là, donc, il y avait un alpiniste qui avait... dévissé en paroi, en fait, qui était suspendu dans la paroi. Donc, c'est une face qui fait combien, les 400 mètres. Les deux premiers secouristes sont élitreuillés dans la face, pendus au relais. Et puis, moi, j'arrivais en troisième. Et j'ai pris du ballon. En fait, je me suis mis à me balancer au bout de la machine. Et là, dans ma tête, j'ai compris qu'en fait, la machine avait une défaillance, laquelle je ne savais pas du tout. Et que ça se passait pas très, très bien. Donc, j'ai réfléchi, je me suis dit, on se dit des choses stupides, je me suis dit que c'était un crash, et j'ai regardé en dessous, ça s'appelle la combe maudite, ça porte bien son nom, avec des énormes crevasses, et normalement il y a une procédure qui consiste à percuter le câble, c'est-à-dire à couper le câble, à larguer la charge quand on est dans ces configurations-là. Et je voyais le sol se rapprocher, et moi j'attendais qu'il percute en fait le câble. Et là, on a des idées vraiment très bizarres qui nous traversent la tête. Moi, je me disais que c'était pas possible, que j'allais pas mourir, parce que j'avais pas dit au revoir à mon fils. Mon fils était petit, il avait 3 ans. Et là, j'ai jamais regardé vers le haut, en fait, pendant toute la descente. Et là, j'avais la tête qui était au patin. J'ai tendu la main, et le mécano m'a pris la main, et m'a jeté dans la machine. J'ai vu le manche du pilote. Normalement, vous savez, c'est un pilotage très fin. 1 cm à droite, 1 cm à gauche, c'est déjà énorme. Et là, je voyais qu'il donnait des grands coups de manche à droite, à gauche, pour maintenir la machine. Je me suis mis en boule au fond de la machine. Je me suis dit, voilà, ça va être horrible. Les pales vont partir dans tous les sens. On va se faire découper. Et pas du tout. En fait, le pilote, il a posé ça, mais avec finesse. On n'a même pas été secoué, la machine a glissé sur la neige avec les patins. Et là, il a tout coupé. Personne ne parlait. Et on entendait Cordial, donc le planton à Chamonix, qui appelait l'Alouette pour savoir si on allait bien. Et j'ai dit, tout va bien. Et par contre, là, j'ai vu le pilote descendre de la machine. On a fait le tour de la machine. Et là, j'ai vu qu'en fait, les pales étaient toutes éclatées, en fait, ouvertes comme une boîte de sardines. Et lui, il a dit, ouais. J'ai touché, et c'est juste à ce moment-là que j'ai compris qu'il avait touché la paroi, en fait, avec les pales, Il a réussi à maintenir la machine en vol avec ce qui restait des pales. Ça lui a permis de poser la machine. Bon, on avait toujours notre alpiniste et nos deux secouristes dans la paroi. Ils sont arrivés avec le C-145 de la gendarmerie. Ils ont eu le temps de récupérer le blessé et ils m'ont proposé de finir le secours. Donc j'ai perfusé mon patient. En plus, c'était quelqu'un que je connaissais. Et je l'ai amené donc à l'hôpital avec l'autre machine et après je suis rentrée. Voilà. Géraldine Fasnacht, au cours de votre carrière de sportive de haut niveau, vous avez beaucoup pratiqué le freeride en snowboard, puis après vous êtes mis au base jump. Mais avant cela, vous étiez en couple avec un homme qui s'appelle Sébastien Gay, avec qui vous avez pratiqué le parapente et notamment le speed flying. Et un jour de 2006, s'est produit un accident. La mort fait partie de la vie, hein. Donc il y a des gens qui perdent des gens de maladie. Ça paraît plus normal pour la plupart des humains de perdre des gens de maladie ou d'accident sur la route. Mais Sébastien, moi je faisais déjà du base jump quand on s'est rencontrés. Hein. Je faisais déjà du freeride. D'ailleurs, c'était lui qui était chef de sécurité au sommet du Bec des Rosses le jour où j'ai gagné pour la première fois. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Qu'on est tombé amoureux par la suite, qu'on s'est marié. Et on s'amusait à chercher des vieilles voiles dans une malle d'un instructeur de parachutisme. Puis nous, on s'amusait avec ces vieilles voiles sur les hauts des montagnes ici au-dessus de Verbier à descendre avec des skis, avec ces petites voiles rapides. On se suivait, on faisait des vols ensemble et puis on s'amusait bien. Et puis moi, j'ai changé sur un des vols de trajectoire. Il a voulu me suivre et puis en changeant de trajectoire, il y avait un bloc sur sa route et puis il a impacté dans le bloc. Et puis voilà. Et puis un jour, ma maman, elle m'a sortie de chez moi et puis elle m'a dit « Maintenant, il faut que... On va pas pouvoir le faire pour toi. Hein. Et c'est toi qui as le choix de rire ou de pleurer. Donc tu peux déprimer toute ta vie et puis te laisser mourir à petit feu ou tu peux essayer de te réveiller et puis de te dire que t'as quelque chose à faire là. » Et puis ça a été aussi le discours de mon meilleur pote. Il m'a emmené au sommet de ma première falaise après la mort de Sébastien. Et puis c'est une falaise que je saute super souvent, que j'adore, qui est vraiment magnifique. Et puis il m'a dit « Je t'ai emmené là aujourd'hui parce que je sais que tu vas tirer ton parachute. » Et puis il avait raison. Mais si j'ai accepté de monter au sommet de cette falaise, c'est pas parce que je voulais en finir avec la vie. C'est parce que justement j'avais envie encore de vivre. Et de vivre ces sensations incroyables, de voler, rien que de le dire, ça me fait vraiment des frissons parce que je me souviens vraiment ce feeling que j'ai eu là-haut et je me suis dit, mais il a tellement raison que juste ce moment-là où je quitte la falaise et puis que je vole, j'ai encore envie de le vivre, mais encore des centaines et des milliers de fois. Je peux pas m'arrêter là. Et finalement, quand plein de gens ont cette vision du sport... souvent, on me dit « Ouais, mais dans les médias, on voit que tous ceux qui font du base jump, c'est des trompe-la-mort, ils veulent tous mourir, etc. » Ça me fait mal, quoi, parce que pour moi, c'est tellement le contraire. Ça, justement, c'est on aime tellement la vie quand on fait ça, parce qu'on vit des sensations et des moments qu'on pourrait jamais vivre autrement que comme ça. Et ça m'a permis de retrouver goût à la vie encore plus qu'avant. Et en fait, maintenant que j'ai eu la chance de rencontrer Simon et puis d'avoir ce magnifique bébé Odin, je l'ai fait skier pour la première fois dimanche dernier, mais je me réjouis de l'emmener faire du freeride et puis faire des beaux sommets, faire de la peau de phoque. Là, je l'ai déjà emmené faire de l'avion. Bon, il avait déjà 6 mois, il était dans mon avion. Là, maintenant, cet été, je l'ai emmené dans mon ULM. On a été se faire des posées en montagne, des pique-niques sur des montagnes avec mon petit ULM. Enfin, voilà, c'est quand on peut partager avec son bébé les moments qui nous font le plus vibrer, c'est juste incroyable. Les plus beaux moments de ma vie, c'est en montagne. l'amitié avec des copains, parce que sa vie en montagne dépend de celui avec lequel on grimpe. Et celui avec qui on grimpe, il sait que sa vie à lui dépend de l'autre. C'est pour ça que j'aimais beaucoup la montagne encordée avec Coleman, Desmaison, Bonatti. Et avec Coleman, c'était tout à fait particulier puisqu'il était sourd. Et il arrive qu'on gueule un peu en montagne, mais donne-moi du mou, passe-moi des mousquetons, je t'envoie une corde pour que tu m'envoies des mousquetons, j'ai plus de matériel, etc. Et comme je gueule très fort, alors, il se débranchait. Il dit, gueule, tu me fais chier, tu gueules, et puis tais-toi, démerde-toi. C'était sympa. Pierre Mazaud, j'aimerais vous lire un extrait de cet ouvrage que vous connaissez, Un invincible hiver de Virginie Troussier. Ouais. Elle parle de l'esprit de compétition. Faire une première en montagne, c'est passer où personne n'est passé, où personne n'a réussi à passer, toucher ce que personne n'a touché, éprouver au plus intense le froid, la peur, la variété de la lumière, s'affranchir de tout ce qui est connu, su, topographié, aller vers le paysage pareil à de l'os, attraper la matière des pics, leurs froncés, leurs grains. Ces tranches d'espace, vierges de toute pensée, de tout souvenir, nommé uniquement par déduction, par des mots vides qui attendent de se remplir d'émotions. Les hommes qui visitent ces bastions seront des pionniers. Ils pénètrent un monde en marge, avec pièges et périls, aussi incertains que celui de nuées guidées par leur seule intuition. Bon, c'est bien. Ce qu'elle dit n'est pas inexact. Enfin, il ne faut pas non plus considérer ces gens qui font ça comme des héros. Non. Oui, l'esprit de compétition, mais c'était pas de la compétition. On n'était pas des adversaires, on était des amis. D'ailleurs, l'histoire du Fresnay montre l'amitié très grande qui existait. On s'était pas encore rencontrés, on se rencontre à Gamba, on y va tous ensemble. Au micro, Jacqueline Baudrier. Paris ce matin est singulièrement silencieux et désert. Le vent qui nous rappelle que la tempête vient de faire de nombreuses victimes, plus de 60 en mer, et de mettre aussi en péril dans le massif du Mont-Blanc trois cordées d'alpinistes célèbres, le vent sur les Champs-Élysées fait claquer les drapeaux du 14 juillet. Dans les cordées en difficulté, il y a aussi trois alpinistes français, tous très expérimentés, dont le professeur de droit Pierre Mazaud. Notre correspondant à Grenoble, Jean-Marie Poncetti, va nous donner des précisions sur ce qu'ils essayaient de faire. Ces quatre hommes ont quitté Chamonix il y a une semaine exactement par le téléphérique de l'Aiguille du Midi. Que voulaient-ils faire? Eh bien, par le pilier central du Fresnay, ils entendaient atteindre le Mont Blanc. Et c'est vraisemblablement, pour ne pas laisser aux Français Pierre Mazaud, le bénéfice d'une première que Bonatti et ses compagnons favoris sont partis dimanche de Courmayeur. On peut dire que ce sont six des plus grands alpinistes du moment qui sont actuellement en difficulté sur le versant italien du Mont Blanc. Voilà, vous voyez mes photos. Ça, c'est à la descente du pilier du Fresnay. Et là, une photo que nous avions prise au refuge Gamba la veille de l'attaque du Fresnay, quoi. Le 8 juillet 1961. Voilà, alors là, vous avez les trois, Coleman, Vieille et Guillaume, et moi en bas, et les trois au-dessus sont morts. C'était évidemment un moment assez douloureux, quoi. Même particulièrement douloureux. 60 ans après, Pierre Mazaud, c'est encore... Oui, j'y pense assez souvent. Et j'y pense d'autant plus volontiers que je suis très vieux, donc je vais bientôt les rejoindre. Vous avez 92 ans. Voilà. Voilà, on est parti, et là... On a rencontré Bonatti, qui est arrivé à minuit au refuge où nous étions, au refuge de Gamba, et on avait choisi nos dates, pensant que Bonatti était encore au Pérou, avec Ogioni. Et on s'est dit, Bonatti n'est pas là, comme c'était l'adversaire. Adversaire, je mets ça entre guillemets, parce que c'était pas un adversaire, mais c'était le meilleur alpiniste du monde à l'époque, et comme il voulait aller au Fresnay, on a dit, comme il est au Pérou, on va y aller, quoi. C'est un peu la compétition. Et puis, quand on s'est rencontrés vers minuit au Refuge Gamba, Bon, on a dit, allez, Walter, on y va tous ensemble, quoi. Est-ce qu'on pourrait essayer de décrire ce que c'était que le pilier du Fresnay, Pierre Mazon? Le pilier, c'est un grand pilier qui fait 850 à 900 mètres, qui part du col de Petray, et le pilier du Fresnay sort à 4800, pratiquement au sommet du Mont-Blanc. Quand on regarde le Mont-Blanc face est, qu'on est à Courmayeur en Italie, quand on a fait les grandes voies, la Major, la Poire, toutes ces voies que j'ai faites, on voit ce grand pilier seul qui est encore vierge, on a envie d'y aller, quoi. Voilà. Puis on est partis tous ensemble, plein de gaieté, plein de joie et tout. Voilà. On a vu des nouvelles à 10h30, que j'étais monté au col du Fresnay, on n'a vu rien et on n'a entendu rien. Estimez-vous que ces alpinistes sont en très grand péril? Oui, oui, très, très, très dangereux, oui, justement. Est-ce qu'il est impossible d'essayer des secours par voie aérienne? C'est impossible, monsieur, pour voie aérienne, impossible. Il y a le brouillard jusqu'à 2000 mètres. Bon, merci. Terminé, Courmayeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh ben, il y a eu l'orage, il y a eu très mauvais temps à cette époque-là. Ça a duré longtemps puisque on a passé quand même 8 jours dans la montagne, sous l'orage, sous la neige, sous le mauvais temps, et j'ai pas pu sortir les 80 mètres qui me séparaient du sommet. C'est-à-dire, il y avait 2 longueurs de corde, quoi. Alors, on a dû redescendre, et à la descente, Vieille est mort le premier, après Guillaume, après Coleman, et le dernier qui est mort, c'était dans mes bras, c'était Johnny. Voilà. Qu'est-ce qui leur est arrivé à vos camarades de cordée à ce moment-là? Donc l'un d'entre eux s'est pris la foudre, Pierre Coleman, c'est ça? Coleman, il était malentendant. Il a pris la foudre, oui. Quand j'ai eu, alors que je grimpais les dernières longueurs, pratiquement la dernière longueur, Bonatti en bas, 40 mètres en dessous, me dit: Pierre, fais attention, il y a l'orage qui arrive. Il y avait un ciel bleu magnifique. Je lui ai dit: mais tu te fous de ma gueule? Et il m'a dit: je te dis, Pierre, fais attention, descends, rappelle, rejoins-nous, parce qu'il y a l'orage qui arrive. Et là, quand je suis descendu en rappel, je suis descendu à côté de Coleman, et Coleman a pris la foudre dans l'oreille, parce qu'il avait un oreille, un truc pour entendre, et donc il avait une pile. Et c'est ça qui a dû attirer. Alors il a pris l'orage dans la tête, et donc ça a été un calvaire pour lui, épouvantable. Voilà. Qu'est-ce qui va faire, à votre avis, que vous allez être le seul rescapé de cette équipée française? Moi, demander ça au petit Jésus, ou j'en sais rien. Moi. Est-ce que c'est votre constitution physique? Est-ce que c'est le fait que vous ayez plus d'expérience parce que vous étiez l'aîné? Comment vous l'expliquez, Pierre Mazot? Bon, il y a eu plusieurs explications. Les plus jeunes dépensent très rapidement leur énergie. Voilà, c'est pas une question d'expérience, parce que Coleman grimpait bien mieux que moi, mais c'est les jeunes qui sont morts très vite, et le premier qui est mort, c'était le plus jeune, c'est Vieille, quoi. Quand on revient vivant d'une épopée, d'une tragédie comme celle du pilier central du Fresnay, qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'on est prêt à repartir en montagne? Qu'est-ce qu'on se dit, Pierre Mazon? Ah ben oui, on est prêt à repartir. En tous les cas, ça a été le cas de Bonatti, et ça a été mon cas. Les autres étaient morts. Mais j'ai refait quelques grandes courses, j'ai regrimpé avec Bonatti beaucoup. Donc voilà, moi j'ai continué. J'ai fait de la montagne tard, puisque la dernière course que j'ai faite, c'est dans les Dolomites avec mon ami Sorgato. On avait tous les deux passé les 80, hein, 82, 83, qui était une course relativement facile, certes. Mais enfin, voilà. Et puis, un jour, on s'aperçoit que, physiquement, on ne suit plus, on n'est plus tout à fait dans les mêmes conditions. Alors, on continue à se balader beaucoup. Et puis on repasse en dessous des sommets ou des voies qu'on a faites ou ouvertes, et on dit qu'est-ce qu'on était con de se lancer là-dedans, quoi. Et puis voilà. C'est vrai? Oui, tout à fait. Mais ça, c'est quand on a un certain âge, on commence à être plus raisonnable. Bon, dis-moi, c'est pas un peu con, hein. On était fous, non? Où c'est qu'on a été? Voilà. D'ailleurs, ils disent pour la plupart, je parle de l'opinion publique, ben, ils sont fous, qu'est-ce qu'ils vont faire? À tel point qu'il y a même un problème qui se pose, c'est pourquoi est-ce que on dépense de l'argent et des vies humaines pour aller les sauver quand il y a un pépin? Vous partez aider des gens qui se sont mis, d'une certaine manière, gratuitement en danger. Ça vous questionne pas, quand même, Sonia et Jérémy? On a choisi ce métier et on est là aussi pour ça. Donc, on n'a pas du tout de jugement sur les motivations de celui qui va en montagne et le choix de course qu'il a fait. Par contre, on est en train d'observer en ce moment des comportements de personnes qui fait que les éléments extérieurs sont moins pris en compte qu'avant. C'est ce qu'on observe en ce moment ces dernières années avec les nouvelles générations, les nouveaux matériels. Et puis le moyen de secours rapide, quoi, du coup, aussi, qui est dans la tête des gens quand ils vont pratiquer. Mais ça ne changera pas notre comportement du tout dans le boulot. Oui, c'est exactement ça, en fait. On va d'abord secourir en pesant le pour et le contre, enfin, la prise de risque. Mais c'est après l'analyse de la situation qui a mis les gens en difficulté qu'on va éventuellement se permettre d'avoir un discours moralisateur en leur disant que là, ils ont fait n'importe quoi. Mais contrairement aux idées reçues, franchement, la plupart du temps, c'est des professionnels qui font appel à nous. C'est eux qui y sont le plus souvent. Et la montagne, elle peut être cruelle avec les professionnels et clémente avec les idiots. Et il y a des miracles tous les jours. On ne secourt pas que des gens imprudents, on secourt vraiment des gens qui font correctement leur travail et qui n'ont pas de chance ce jour-là. Un endroit où des centaines de gens sont passés, ce jour-là, il va y avoir une coulée alors qu'il n'y en a pas eu depuis très longtemps, une chute de pierre. Il faut arrêter d'avoir cette idée reçue que c'est que des imprudents et des inconscients qu'on secourt. Au micro, Pascal Rossini. Il nous faut ouvrir ce journal sur une nouvelle navrante. Dans les Alpes, c'est le drame qu'on craignait. On a retrouvé cette nuit les alpinistes français et italiens. 4, hélas, sont morts. 3 rescapés seulement qui ont été ramenés à Courmayeur. Voici 8 jours au total qu'ils étaient en haute montagne et 4 jours pleins en pleine tempête et sans ravitaillement. Mais il est une question que je me pose, que l'on peut se poser, comment des alpinistes aussi expérimentés que Bonatti et Mazot ont-ils pu être surpris par cette tempête de neige et ce froid inhabituel? Faut-il le dire encore, ces 7 hommes étaient tous des alpinistes de premier ordre, et 4 sont morts. Bon, beaucoup disaient, mais ils nous emmerdent, après il faut qu'on aille les chercher et tout, quoi. Bon, ben c'est qu'ils n'avaient pas compris la montagne. On fait pas ça pour l'exemple, on fait ça parce, bien sûr parce que ça nous plaît, parce qu'on veut en quelque sorte s'affirmer. Voilà. Quand vous êtes rentré, Pierre Mazot, avec Walter Bonatti et Roberto Gallieni du Fresnay, vous étiez donc 3 survivants sur 7. Votre père est venu tout de suite vous voir, vous étiez sur un brancard. Je revois ces images, ces photos. Oui, j'ai là une photo de là. Et il est venu vous voir à l'hôpital, il est venu avec un livre. Enfin, il est venu. Moi, j'ai été emmené à Saint-Luc à Lyon par Potel en hélicoptère. Et mon père est arrivé parce qu'il est venu avec des copains de montagne. Il est venu donc le lendemain. Et puis, je sais pas, je m'étais mis en voyant les photos de la presse et notamment les enterrements de mes copains qui étaient morts. Bon, j'avais eu une sorte de il faut laisser faire. J'avais une sorte de je m'étais mis à pleurer. Et mon père, qui était un homme dur, m'avait dit, mais pleure pas. Il était sorti à Lyon pour aller pas déjeuner ou n'importe quoi, et il m'avait ramené un bouquin de Sandrard, où Sandrard raconte l'histoire de 1917, où il a perdu tous les mecs de sa compagnie. Et Sandrard dédie son bouquin à l'un de ses fils qui est mort en avion, comme pilote d'avion. Il est mort où il souhaitait mourir. Et mon père m'a dit, tu vois, tu as perdu Pierrot, tu as perdu tous ces gens-là, mais tu vois, ils ont quand même une chance, ils sont morts ou ils souhaitaient mourir. Et quand j'ai écrit mon premier livre, c'était Montagne pour un homme nu, je l'ai dédié à mes amis morts où ils souhaitaient mourir. Voilà. Mais c'était une affaire douloureuse. Mais c'était douloureux, mais c'était très beau. Très beau de voir ces jeunes tellement merveilleux, tellement heureux. Ils connaîtront pas, ils se rendent pas compte, bien sûr, mais ils se rendront pas compte des emmerdes de la vie et des situations difficiles qu'on rencontre en ce moment et tout ça. Ils sont heureux là-haut. Et je m'amuse à dire, ils me téléphonent de temps en temps pour me dire, dis donc Pierre, tu arrives vite parce qu'on n'a plus de pinard. Alors, comme j'en ai pas pour longtemps, eh ben, j'emmènerai des bouteilles de pinard. Voilà. Voilà. Allez, j'ai fini. Face à la mort, avec Sonia Popov, Adjudant Jérémy, Gérard Guerrier, David Le Breton, Pierre Mazot, Enak Gavaggio et Géraldine Fasnacht. Prise de son, Christophe Papon. Avec des extraits des films Le Sommet des Dieux de Patrick Imbert et Les Sauveteurs des Cimes de Gilles Perret. Archivina, Mylène Touchet. Documentation, Anne-Lise Signoret. Attaché de production Marie-Vonne Abolivier, coordination Perrine Kervran. Un documentaire de Jérôme Sandlars et Yvon Croisier.